Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Onzième épisode, la guerre dévore la révolution. Le groupe international se reconstitue après les lourdes pertes. Pablo a donc remplacé Louis Berthomieux, mort au combat. Ce transfuge de l'armée italienne s'appelle Vagliasini. Il s'agit d'un fasciste dissident qui semble vouloir régler ses comptes avec Mussolini. Il va devenir un technico-militaire de la colonne d'Uruti, qui recherche avant tout des officiers expérimentés et accepte dans ses rangs des combattants au pédigré insolite. Carpentier et Ridel sont rentrés en France juste après la bataille de Perdiguera. Le noyau historique du groupe international n'existe donc pratiquement plus. Mais de nombreux étrangers arrivent en renfort, comme les Allemands et les Suisses de la ceinturie Éric Muzam, venus du front de Huesca. Parmi eux, on trouve Madeleine et Hans, Otto et Ritter, dont Jiménez nous parle si souvent. Plus tard arriveront Pavel et Clara Thalmann, dont le témoignage confirmera celui de Jiménez à propos de la vie quotidienne des internationaux en Aragon. Le 26 octobre, le groupe international va encore se réduire quand tombe la nouvelle du décret sur la militarisation, avec dislocation des ceinturies, réintégration de la hiérarchie et du code militaire. Plusieurs combattants de la première heure viennent prendre congé de Durruti, ne voulant pas se soumettre aux oukases du gouvernement. En présentant la guerre contre le fascisme et la participation à l'armée populaire comme des priorités, et surtout sans avoir consulté les combattants, la CNT porte un grand coup au moral des miliciens. Il faut savoir que l'antimilitarisme a été l'une des constantes de la propagande anarchiste depuis plus d'un demi-siècle. Il avait trouvé un écho très favorable dans la population, parmi laquelle réfractaires, insoumis et déserteurs foisonnaient, jouissant d'une grande sympathie. L'armée espagnole s'était particulièrement distinguée par sa brutalité et son arrogance à Cuba, aux Philippines, puis au Maroc, et par la férocité de la répression exercée contre les luttes ouvrières et paysannes. L'horreur de la caserne et de la discipline avait atteint son paroxysme après le soulèvement militaire du 18 juillet. En outre, les communistes déterminés à reconstruire l'État, et avant tout son armée, qu'ils vont calquer sur l'armée rouge, vont presser le mouvement avec comme fer de lance de leur politique les brigades internationales, créées à la mi-octobre. Staline veut en faire un instrument de propagande et de prestige. Il désigne l'un des secrétaires de l'Internationale communiste, le français André Marty, pour organiser les brigades à Albacete. C'est aussi pour ne pas être écarté de la lutte pour le pouvoir que les dirigeants anarchistes vont exiger des miliciens espagnols et étrangers qu'ils intègrent les divisions et bataillons de la nouvelle armée républicaine, dont les cadres sont pourtant communistes et entretenus dans la haine des libertaires. En novembre et décembre 1936, les opérations militaires se concentrent sur Madrid, de plus en plus menacée. Arrivés à Bujaraloz, nous nous séparâmes, Berner et moi, après nous être promis de nous revoir. À Farlette, le groupe n'était plus le même. Beaucoup parmi les plus anciens étaient partis. Les uns avaient quitté l'Espagne, les autres avaient rejoint les autres formations, celles que l'on appelait la Brigade Internationale. Pablo, après mon retour, appela au rapport tous les vétérans. On se retrouva une dizaine. Où étaient-ils tous les autres ? La grande majorité était restée à Perdiguera, Les autres, dégoûtés par ce qui s'était passé, avaient préféré partir. Avec Affinenghi, Scolari, Otto, Jacques et d'autres dont j'ai oublié le nom, nous avions formé un petit groupe que le colonel garda à son PC pour les missions de reconnaissance et pour effectuer des coups de main. Parmi les dernières recrues, il y avait certains individus que je soupçonnais d'être venus plus attirés par l'appât du gain que par choix idéologique. Ils étaient gueulards, prétentieux, toujours prêts à se battre entre eux pour un oui ou pour un non. Et ils obligèrent Pablo à demander de nous envoyer en ligne. C'est ainsi que de groupes mobiles d'assaut ont commencé à devenir une unité comme les autres. On nous expédia dans la Sierra d'Alcubierre, relever une centurie. Les compagnons de la CNT avaient fait du bon travail. Les tranchées étaient creusées, très bien conçues, je dirais même presque confortables. Des couloirs d'accès, couverts, reliaient les postes de combat à une cité troglodytique, où habitaient les unités qui avaient la garde de la position. Ces grottes, véritables maisons souterraines, creusées au flanc de la montagne, nous offrirent un abri parfait contre les rigueurs de l'hiver. Il faisait en effet assez froid sur les hauteurs, surtout la nuit. Je partageais ma caverne avec Affinenghi et deux Espagnols, ainsi qu'avec Tarzan, mon chien, qui dormait au pied de mon lit. Prévoyant une assez longue absence, j'avais suivi l'exemple de plusieurs compagnons et j'avais amené mon ami à quatre pattes avec moi. Tarzan faisait tache dans la meute à tous les points de vue. Il était noir, son poil, long et frisé, lui recouvrait presque complètement les yeux. Ses pattes étaient fortes et musclées. Tout le différenciait de l'agent canine qui partageait notre vie. Les autres chiens étaient de Galgos, de la famille de chiens courants, faits pour chasser le lièvre en plaine. Leurs pattes étaient longues et nerveuses, leur poil ras et de couleur claire. Tarzan ne donnait jamais de la voix. Partout où j'allais, il était près de moi. En patrouille, il me précédait de quelques mètres, le nez en l'air, les oreilles dressées, attentif à toutes les odeurs, à tous les bruits imperceptibles à mes sens. Parfois il s'arrêtait, un léger grondement sortait de sa gorge comme pour me prévenir, à voix basse, qu'il y avait une présence étrangère à proximité. Je crois que les chiens sont dotés d'une espèce d'intelligence, que certains individus de la race canine sont capables de juger une situation donnée et agir en conséquence. Pour moi, Tarzan était un chien intelligent. La preuve, la voici. Il avait neigé toute la nuit et toute la journée. La Sierra était couverte de neige. Vers 1h du matin, je quittais mon poste, après avoir passé les consignes aux compagnons qui étaient venus me relever. Il faisait un froid sibérien. Et une fois quitté le boyau d'accès à la tranchée, je me retrouvais dans un paysage lunaire d'une blancheur blafarde. La neige tombait toujours. Je suivais Tarzan, m'efforçant de mettre mes pieds dans l'empreinte de ses pattes, car toute trace de chemin avait disparu sous l'épais manteau blanc. Nous étions presque arrivés à mon gourbi, lorsqu'il s'arrêta, pointant sa tête vers le bas de la vallée et commença à grogner doucement. Je le caressais pour le calmer, mais il continua à gronder, retroussant ses babines comme s'il voulait mordre. Puis il recommença à avancer. J'étais loin de me douter de quoi il s'agissait. Je pensais qu'il avait éventé un gros gibier, que son instinct de chasseur s'était réveillé. La curiosité me poussa à le suivre, pour voir le déroulement de la chasse, et s'il était nécessaire, lui prêter main forte. Nous avancions sans bruit. Voyant que je le suivais, Tarzan avait cessé de grogner. Le silence était absolu. Au pied d'un grand pin, il s'arrêta et s'accroupit, prêt à bondir sur la proie lorsqu'elle serait à sa portée. Moi, j'essayais de voir si quelque chose bougeait dans les parages, dans les espaces entre les arbres. Quelle sorte de gibier avait-il flairé ? Je ne tardais pas à être fixé. Au bout d'un petit moment, je vis une masse sombre sortir du couvert, traverser en bondissant un tapis de neige et disparaître derrière un buisson. Puis une, deux, trois, quatre formes noires bondir pour rejoindre la première. Un commando essayait de nous surprendre, profitant de la tempête de neige et du froid de canard. Ils avaient contourné nos lignes en se faufilant entre deux postes et ils voulaient nous surprendre par derrière, en espérant peut-être que s'ils étaient découverts avant l'attaque, ils pourraient se faire passer pour des républicains égarés. Moi, sur le moment, je ne raisonnais pas si loin. Après avoir lancé une lafite derrière le buisson, je commençais à tirer au pistolet. L'explosion de la grenade et les coups de feu réveillèrent tout le monde en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire. Je fus entouré d'hommes en armes. Ma bombe n'avait tué personne, les coups de pistolet non plus, mais les avait cloués sur place. On fit 5 prisonniers que l'on envoya au QG. Ce n'était pas la première fois que les chiens éventaient l'approche de francs-tireurs ennemis. Mais ils aboyaient, et en nous prévenant, ils avertissaient l'adversaire, qui se retirait avant que nous puissions intervenir. Si je m'étends si longuement sur l'intelligence et les capacités de mon ami à quatre pattes, c'est que je n'ai aucun mérite pour son éducation. Mais son premier maître devait être un as du dressage. Moi, je découvrais avec étonnement ses qualités d'intelligence, de courage et aussi sa fidélité. Plusieurs copains espagnols m'affirmèrent que mon Tarzan était un chien de braconnier. Or, comme je n'aimais pas la chasse, je ne m'étais jamais préoccupé de le mettre à l'épreuve. Ce n'est que 6 mois après l'exploit militaire que je viens de relater que Tarzan me révéla ses talents de chasseur. Depuis près d'un mois, nous étions sur une position qui était, c'est le moins que l'on puisse dire, pas très confortable. L'artillerie et l'aviation de Franco s'étaient jurés de nous avoir par la faim, en empêchant que le ravitaillement arrive normalement jusqu'à nous, par des bombardements et des tirs de barrage effectués aussi bien de jour que de nuit. Lorsque l'intendance arrivait à passer les garbanzos, les pois chiches qu'elle nous apportait, ils étaient si mal cuits que nous avions pris l'habitude de dire qu'avec des lance-pierres et les pois chiches, nous aurions pu repousser une attaque victorieusement. Un matin, une salve d'exclamations attira mon attention. Regarde là-bas, c'est un lapin. Non, un lièvre. Es demasiado lejos para tirar. On lâche les chiens? Oui, oui, laissons les chiens. On ouvrit les chicanes du réseau de barbelés, et la meute hurlante se lança vers la proie qu'elle avait sentie ou vue. J'avais Tarzan en laisse, car il avait pris l'habitude de partir parfois pendant des heures, et je craignais qu'on ne me le transforme en rôti, en bœuf en daube, chose déjà arrivée à d'autres de ses congénères. Un de mes amis me conseilla de le lâcher pour voir son comportement dans la chasse à cours qui commençait. Je défis son collier, et après m'avoir regardé, il partit comme une flèche, pour s'arrêter à une centaine de mètres de nous. C'était ridicule. Envoyer un chien de son gabarit, chassé avec des bêtes taillées pour la course, dont quelques-unes avaient déjà une longue expérience. Le lièvre, car c'en était un, fuyait en bondissant par-dessus les touffes de thym, de romarin, avec toute la meute à ses trousses. Mon chien, après avoir regardé un bon moment le gibier et les chasseurs, semblait s'être désintéressé de leur agissement et était parti au trot dans une direction parallèle. J'étais déçu. Je savais que mon ami ne pouvait pas battre des lévriers à la course. La nature ne l'avait pas fait pour ça. Je regrettais de l'avoir lancé dans cette aventure où il n'avait aucun rôle à jouer. J'allais rentrer dans ma tente lorsqu'un cri m'arrêta. « Bravo Tarzan, bravo !» Un copain m'expliqua. Tarzan, au lieu de courir derrière le lièvre, était allé se poster là où il pensait que la bête devait passer. Il ne s'était pas trompé. Il l'avait saisi au passage, et maintenant sa proie dans la gueule, il courait à toute vitesse pour venir se mettre sous ma protection, car il avait toute la meute à ses trousses. Toute ma section se précipita à la rencontre du chien, pour le protéger des autres qui lui auraient fait un mauvais parti, afin de reprendre l'objet de leur convoitise. Mais retournons dans la sierra. Pendant les 2 mois que nous y passâmes, à part quelques alertes pour repousser des coups de main de petite envergure, les jours s'écoulaient calmes et paisibles. Notre tâche se réduisait à monter la garde et à entretenir les armes en bon état. Nous occupions nos loisirs comme nous pouvions. Les amateurs de jeux faisaient d'interminables parties de cartes, de dames ou d'échecs. D'autres s'escrimaient à tailler au couteau des morceaux de bois. Mais la majorité préférait écouter les cours d'histoire, de géographie ou de sociologie, que les conférenciers improvisés donnaient l'après-midi et le soir, dans une grotte assez spacieuse pour contenir une trentaine de personnes. Le conférencier traitait le même sujet plusieurs jours de suite, répondant aux questions, essayant de bien se faire comprendre par l'auditoire, et ne passant à un autre sujet que lorsque plus personne ne lui posait de questions. Combien de fois ai-je entendu ces mots ? Depuis des millénaires, ceux qui produisent se révoltent contre leurs exploiteurs. De la révolte de Spartacus à la révolte russe, les ouvriers, les paysans, se sont toujours battus pour bâtir la cité du bonheur. Et ils ont toujours été trahis par ceux en qui ils avaient confiance, quand ils avaient la chance de vaincre l'adversaire. 2 exemples. Tout le monde connaît la Révolution française. Pour le peuple français, exploité par la noblesse et le clergé, la République était synonyme de liberté et de justice sociale. Les hommes naissent libres et égaux devant la loi. Mais quelle loi ? Celles est dictée par la bourgeoisie alliée au clergé. Le patron a remplacé le noble. L'ouvrier et le paysan continuent à trimer. Mais, malgré l'échec de l'égalité dans le domaine économique et social, l'humanité a brisé la plus forte de ses chaînes, la croyance dans le droit divin qui permettait, avec l'aide de Dieu et par sa volonté toute puissante, d'écraser et d'exploiter le peuple. Avec la Révolution française, l'humanité commençait une des dernières étapes sur le chemin de la liberté et de l'égalité entre les hommes. En Russie, les soviets ouvriers et paysans ont chassé la noblesse, le clergé, la bourgeoisie russe. Mais ils ont fait confiance à un parti politique et à ses dirigeants qui, une fois au pouvoir, ont réorganisé l'appareil répressif en le rendant plus efficace et plus impitoyable. Grâce à cela, ils ont enlevé aux conseils ouvriers toutes leurs prérogatives. La Russie s'est retrouvée sous la domination d'un nouveau tsar sorti des rangs de la Révolution. Le capitalisme a changé de nom. Les richesses de la nation ne sont plus la propriété de quelques familles. Elles appartiennent à l'État, ce qui revient à dire qu'elles sont la propriété des dignitaires du parti au pouvoir. En Russie, la dictature du prolétariat est en réalité la dictature du parti communiste. Qui dit dictature dit oppression, esclavage, délation, violence, meurtre pour ceux qui réclament le droit à la liberté, l'égalité économique et sociale. Ainsi nous passions notre temps, en essayant d'augmenter notre culture et en nous efforçant de la partager avec ceux qui n'avaient pas eu la chance de s'asseoir sur les bancs d'une école. Un beau jour, on retourna à Farlette. Madeleine était partie voir son mari et son fils à Barcelone. Je suis rentré à Pine. Là aussi, on commençait à percevoir un certain changement. La population avait évolué. Les petits propriétaires s'étaient intégrés volontairement à la collectivité. De grandes surfaces avaient été travaillées. Les filles et les garçons s'étaient affranchis et secouaient le joug de la vieille morale qui leur défendait de s'entretenir entre eux sans la présence d'un chaperon. De cette évolution, j'ai eu la preuve dès les premiers jours de mon arrivée au Pueblo. Je me promenais avec Tarzan lorsqu'on m'interpella. Antonio, tu ne salues plus maintenant ? C'était une jeune fille, avec qui, avant Perdiguera, j'avais beaucoup discuté, en compagnie de Lacalle, sur les droits et les devoirs de la femme dans la société libertaire, telle que nous la voyions. Elle avait entre 20 et 25 ans. Elle était petite, mince, avait un visage triangulaire, bronzée comme celui d'une gitane. Elle n'était pas jolie, mais dès qu'on la regardait, on ne voyait plus que ses yeux et sa bouche. D'immenses cils dans de grands yeux rendaient plus sombres ses prunelles noires. Sa bouche, aux lèvres épaisses et rouges, était parfaitement dessinée. Tout cela sans l'aide du moindre phare, naturellement. Salut, je croyais que t'étais au jardin. Où vas-tu ? Je me promène. Je suis en congé. Veux-tu un verre de vin chaud ? Offert par une jolie fille, j'accepte n'importe quoi. Rentre, et ne dis pas de bêtises. Le feu pétillait dans la cheminée. D'une casserole posée sur les braises s'échappait le parfum du vin cuit. Je m'assis au coin de l'âtre, surpris de ne pas voir sa mère ou quelques voisines. Et ta mère ? Elle est au champ avec père. T'es toute seule ? Oui. Bien, dans ce cas, je te remercie de ta gentillesse. Je vais partir. Je ne veux pas que l'on jase sur toi. Ton fiancé ne serait pas content s'il apprenait que tu as reçu un homme chez toi et que tu restais seule avec lui. Antoine, les temps ont changé. Personne ne dira rien. Je suis majeure. Francisco, après 7 ans de fiançailles, est parti à la guerre. Il n'a pas donné de ses nouvelles depuis. Assieds-toi. Et dis-moi ce que sont devenus tes copains. On ne voit plus personne à Pine. Tout en parlant, elle avait servi le vin et s'était assise près de moi sur le banc. En satisfaisant sa curiosité, je l'observais. Je la trouvais changée. Pas physiquement, car elle était toujours aussi grêle, menue. S'apercevant de mon examen, elle me demanda à quoi je pensais en la regardant ainsi. « Sais-tu que tu es plus jolie qu'avant que je parte ?»« Menteur, je ne suis pas aveugle. Personne ne m'a jamais dit qu'on me trouvait jolie. » Les garçons, qu'est-ce qu'ils te disent ? Rien. Et ton fiancé ? Il est parti. Oui, je sais, mais avant qu'il parte, il ne t'a jamais dit que tes yeux sont les plus beaux du monde ? Que ta bouche, lorsqu'on la regarde, donne envie de la mordre ? Tu as envie de mordre ? Tu n'as pas mangé à midi ? Posez mon verre sur la dalle de l'âtre. Je pris son visage dans la coupe de mes mains et je lui donnai un baiser sur les lèvres. Elle se rejeta en arrière. Pardonne-moi, Nina, depuis longtemps j'avais envie de t'embrasser. N'aie pas peur, je vais m'en aller. Pourquoi ? Je n'ai pas peur de toi. Ses yeux brillaient. La bouche entrouverte souriait en laissant voir le bout rose de la langue. Pour m'empêcher de me lever, ses mains appuyèrent sur mes épaules. Nos lèvres, d'un commun accord, se rencontrèrent encore. Elle portait un pantalon ouvert, mais quand je l'ai quitté, elle était encore vierge. Sur le pas de la porte, elle me demanda en parlant tout bas. « Tu reviendras ?»« Oui, querida. »« Mañana ?»« Oui, demain. » Le lendemain, je suis retourné. Autant pour tenir ma promesse que pour lui annoncer mon départ. Le matin même, on m'avait prévenu que le congé était fini. Je devais rejoindre le groupe à Farlette dans la nuit. En rentrant, l'espoir de flirter avec elle s'évanouit. Sa mère était là, devant un grand tas de linge à repasser. Après les salutations d'usage, je lui annonçai mon départ. La petite alarmée me demanda. « De suite ?»« Non, cette nuit. »« Alors on a le temps. Tu soupes avec nous ? Ma mère préviendra la tia Pasquale. » Surpris par cette façon de décider qui n'était pas dans les habitudes des familles espagnoles de l'époque, je lui suggérai que c'était elle qui aurait dû faire la commission, car sa mère était très âgée. La vieille devança sa fille pour me répondre. « Fils, il ne vous reste plus que quelques heures pour bavarder ensemble. Ne les gaspillez pas. » Et elle ajouta d'une voix pleine de tristesse. « Il faut profiter de la vie, tant qu'il est temps. » La petite me prit par la main. « Viens, Antoine. Viens. » « Où ?»« En haut. » Je la suivis. J'étais déconcerté. Il m'était bien arrivé d'aider Vincenta et Maria à déplacer des meubles dans leur chambre. Mais ce n'était pas pour travailler que la fille m'amenait dans sa chambre, car elle ne m'avait pas demandé de l'aider à quoi que ce soit devant sa mère. Arrivé en haut de l'escalier, jugeant que sa mère ne pouvait plus nous entendre, je lui dis « Nina, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec ta mère en bas, c'est dangereux, elle peut nous surprendre. » Tonto, je lui ai tout dit. Ma mère est restée à la maison pour que nous soyons libres de faire ce que nous voulons. Puis poussant une porte. « Ici, c'est chez moi. » Puis se disant, elle avait mis le verrou et donné un tour de clé. J'avoue que j'étais abasourdi. Je devais avoir l'air d'un canard qui a rencontré un couteau. Heureusement, l'assurance qu'elle avait montrée jusque-là s'était évanouie. Elle était aussi troublée que moi. Nous nous sommes regardés un instant en silence. Je me souviens de lui avoir demandé de défaire ses cheveux, qu'elle portait enroulés en un gros chignon. Je me sentais bête, empruntée. Je ne désirais plus m'amuser avec elle. Je la voyais si petite, si frêle. J'avais peur de la blesser, de lui faire mal. Je serais bien parti si j'avais pu le faire sans la choquer, sans lui faire comprendre que je ne la croyais pas capable de supporter l'assaut d'un mâle. Sa déception aurait été peut-être plus douloureuse que n'importe quoi d'autre. Je me suis approché et j'ai commencé à déboutonner sa robe. Sa chevelure libérée descendait presque jusqu'aux chevilles, lui faisant une cape noire émouvante, qu'elle rejeta en arrière lorsque la dernière étoffe qui la couvrait fut tombée pour offrir à mes yeux le modèle réduit de son corps de femme amoureuse. Le sommet de sa tête m'arrivait jusqu'au menton. Les seins paraissaient être deux poires de taille moyenne, surmontées d'une corolle rose pâle. On aurait pu la prendre pour une fillette de 13 ou 14 ans, si ce n'était la forêt sombre de son pubis, qui débordait et lui ombrai la partie supérieure des cuisses. Je la soulevai pour la poser sur le lit. Passant ses bras autour de mon cou, elle prit ma bouche dans un baiser qui me coupa le souffle. Quand je refis surface, elle murmura « Mets-toi à poil, toi aussi. » D'un bond, elle descendit du lit pour m'aider à me défaire de tout ce qui pouvait la gêner. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, on était tous les deux dans le premier costume. Celui d'Adam et Ève, avant le péché. Elle grimpa sur la couche, qui était très haute, et s'étendit en travers, les jambes pendantes, les cuisses légèrement écartées. Je me penchai sur elle. Ma bouche s'appropria un sein, et une main l'autre. Longuement, je la caressai ainsi. Moi, je savais qu'elle était vierge, et j'avais peur. Non pas des conséquences, elle voulait, elle ne demandait que ça. J'avais peur de lui faire trop mal, et de la dégoûter de l'amour et des hommes. Ma main quitta sa poitrine, glissa sur son ventre, frôla la noire toison, pénétra entre ses cuisses, mes doigts commencèrent à jouer. Ma bouche à son tour quitta sa proie, et fléchissant mes genoux, j'embrassai son bouton. Surprise, elle se cabra en disant « Tomame toda. » Après le premier spasme, elle était restée immobile, comme endormie. Ma langue et mes lèvres continuèrent leurs caresses, et son ventre recommença à se mouvoir lentement. Je sentais contre mes paumes ses tétons qui se dressaient, et dans mes doigts la chaleur des seins, durcis par le plaisir. Lorsque je pénétrai en elle, un cri de douleur lui échappa. Puis me prenant par les épaules, elle m'attira vers elle, et m'embrassa tandis que ses jambes ceinturaient mes reins, comme pour m'empêcher de me retirer. Seul son ventre rythmait la danse du plaisir. Nous sommes restés un court moment enlacés, sans rien dire. Moi, je regardais ce visage, que je ne reconnaissais pas. Il était plus jeune, presque beau. Les premiers mots qu'elle prononça me remplirent d'inquiétude. « Chérie, merci d'avoir fait de moi une femme, ta femme. » Je me sentis pâlir. Je la fixais étonnée. Sur le coup, je pensais être tombé dans un piège. Je suis parti à rire. « Ma femme ? Mais tu ne sais pas si je suis déjà marié ?» Je t'ai pas promis le mariage, que je sache. « Non, tu ne comprends pas. Tu peux partir. Cette nuit, tu t'en iras je ne sais où. Tu ne reviendras peut-être jamais. Mais je suis et resterai ta femme. Hier, tu m'as fait jouir avec tes caresses. » Et tu n'as pas voulu profiter de moi. C'est pour cela que je t'ai dit de revenir. Je ne me marierai pas. T'es folle ? Et ton fiancé ? Mon fiancé se mariait avec les champs de mon père, pas avec moi. Les autres garçons me parlent comme si j'étais leur sœur. Mais tous me trouvent trop petite, trop faible pour être une vraie femme, capable d'avoir des enfants, tout en les aidant dans leur travail. Je la repris dans mes bras, mais elle se dégagea en disant « Augusta m'a dit qu'après avoir fait l'amour, il faut se laver. Veux-tu faire ta toilette ?» Augusta, Lacaille, Louis, tous les autres. Ils étaient partis, mais leurs leçons portaient les fruits espérés. Pendant un court instant, j'ai cru les revoir, exposant nos principes, nos idées. Mais le rire heureux de la petite me rappela la réalité. « Regarde, chérie !» Elle me montrait les taches de sang sur la couverture de laine blanche. « Viens, prends-moi encore, Afmegosar. » Pour ceux qui douteraient de la réalité d'une telle liberté amoureuse dans la campagne aragonaise de 1936, voyons d'autres témoignages recueillis par l'historienne Hanneke Willemse auprès d'habitants d'Albalata de Cinca. Selon une ancienne habitante de ce bourg agricole, la révolution sociale apporta peu de changements dans la vie des femmes adultes. Par contre, elle bouleversa celle des jeunes célibataires. Filles et garçons étaient tout le temps ensemble et partageaient les mêmes idées. Ils militaient aux jeunesses libertaires. Plus de curés, plus d'autorités publiques pour pointer du doigt les couples non mariés. un ancien milicien de la colonne d'Urruti, signale pour sa part que les jeunes jouissaient déjà d'une plus grande liberté depuis la proclamation de la République en 1931. Revenu du front en décembre pour se reposer au village, il constata que sa sœur et tous ses copains affichaient publiquement leur liaison et ne s'empêchaient pas d'avoir des relations sexuelles. Lui-même couchait avec son amie Rosalia. Maintenant, précisait-il, si le père de celle-ci l'avait su, il l'aurait tué. Autrement dit, et Jiménez nous le donne à voir, les mères pouvaient être complices des filles afin que le père ne s'en mêle pas. Pendant que Jiménez est dans la Sierra, le 4 novembre 1936, une nouvelle fait l'effet d'une bombe. 4 anarchistes entrent comme ministres dans le gouvernement de Madrid, qui en comporte 18, et aussitôt, tout le personnel politique abandonne la capitale assiégée pour Valence. La décision des anarchistes est prise, nous citons, devant la nécessité urgente d'intervenir directement dans la direction de la guerre, de la politique et de l'économie dans le but d'éviter le sabotage continu de nos organisations. Le jour même, on peut lire dans le quotidien de la CNT, Solidaridad Obrera, à l'heure actuelle, le gouvernement a cessé d'être une force d'oppression contre la classe ouvrière, de même que l'État n'est plus l'organisme qui divise la société en classes. Tous deux cesseront à plus forte raison d'opprimer le peuple avec l'intervention de la CNT dans leurs organes. En Aragon, où le front stagne dans une guerre de position, les miliciens discutent âprement des derniers événements. Dans certaines colonnes, le refus de la militarisation va devenir l'enjeu d'une ultime grande bataille contre la tournure que la CNT donne à son action. Certains militants pensent qu'il faut effectivement remédier au manque de coordination sur le front, tout en restant ferme sur les positions traditionnelles du mouvement libertaire, à commencer par la consultation de la base. Les premiers à pousser un cri d'alarme sont les défenseurs du front de Huesca, où l'on trouve les volontaires de la section italienne de la colonne Ascaso. Fin octobre, ils rendent publics leur protestation. Si nous dépouillons la guerre de toute sa foi révolutionnaire, de son sens de lutte universelle, alors ce n'est plus qu'une vulgaire guerre d'indépendance nationale. On dira que tout n'est pas encore perdu, mais nous affirmons que tout est menacé et que nous ne pourrons sortir victorieux à moins que se produisent des événements qui échappent à nos prévisions. Des miliciens de la colonne d'Urruti réagissent aussi au décret. Placés devant l'alternative de se soumettre à la nouvelle loi ou de laisser le fusil en quittant les milices, les combattants considèrent les deux termes comme également nocifs pour la révolution. Malgré les ordres des organisations, la plupart tranchent la question en ne faisant ni l'un ni l'autre. Ils restent à leur poste, mais le moral en souffre beaucoup. Ceux de la colonne de fer, sur le front de Teruel, proclament le 16 novembre qu'ils ne renonceront pas à l'indépendance des colonnes. Toute notre activité, loin de tendre à renforcer l'État, doit contribuer à sa destruction. On ne peut prêcher agir à contresens de la prédication. Ils exigent, comme tous les autres miliciens, des armes et la mise en route d'une industrie de guerre sous contrôle anarchiste. La situation est extrêmement tendue et les cadres de la CNT sillonnent le front en assurant que l'organisation gardera le contrôle de ses effectifs dans les futures divisions confédérales et que la militarisation peut être acceptée temporairement en l'adaptant à ses idées et principes. Par cette concession, les miliciens obtiendraient enfin de l'armement ultramoderne. Mais les arguments ne convainquent pas. Et le malaise va augmenter dans les mois qui suivent. Diego Abad de Santillán, un des anarchistes instigateurs de la collaboration avec les communistes pour gagner la guerre à tout prix, déclare en 1977 J'ai accepté cette militarisation, mais mon opinion était faite. Nous perdrions la guerre. On peut considérer qu'il y a là un certain jeu de dupes à l'égard des miliciens.